Cette œuvre représente pour moi un aboutissement actuel de mes recherches. Ce n'est pas encore la musique que je désire faire un jour, mais c'est celle qui s'en approche le plus. C'est dans cette pièce que je suis allée le plus loin en fonction de mes possibilités techniques. Et c'est en cela que cette œuvre m'est très proche et je la redoute un peu aussi. Redouterez-vous de l'entendre en notre compagnie ce soir ? Oui, sûrement, parce que cette musique n'a jamais été diffusée sur les ondes. Et je sais qu'elle contient un certain nombre de fréquences qui ne passent absolument pas sur certains haut-parleurs, donc il faudra éliminer ces fréquences. Ces fréquences représentent, si j'ose dire, une énergie sonore qui génère les spectres harmoniques, constituent le tissu de cette œuvre. Enfin, j'ai toujours beaucoup de pudeur à utiliser ce terme, mais après tout, il est là, donc c'est assez facile. L'œuvre, c'est un travail. Et je ne sais pas du tout comment cela peut passer sur les ondes, d'autant plus qu'elle a été réalisée en stéréo et qu'elle devra être diffusée mono. Alors vraiment, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc j'ai très peur.